Acte 2. Une grande pièce claire. Au premier plan à gauche, escalier en colimaçon qui mène à l'étage supérieur. Au fond à gauche, porte d'entrée. Au premier plan à droite, porte de la salle de bain. Au milieu, premier plan, divan et petite table. Sur le mur du fond, planche couverte de livres. Le mur idéal est censé donner sur des arbres par une baie. Beaucoup d'ordre. Madeleine. C'est incroyable, Michel. Figure-toi que tout le monde dit incroyable à la maison. J'en arrive à imaginer qu'on le disait avant que je te connaisse et que je la porte. Maman serait folle si elle savait que je t'imite. Je ne vois pas ce que ma façon de prononcer ce mot de spécial. Je le prononce comme tout le monde. Tu le prononces comme personne. Et à propos de bottes, c'est un tic que tu m'as passé et que je leur ai passé à tous. Maman, papa, tante Léo, tous disent c'est incroyable. Mon amour, excuse-moi de te rebattre les oreilles avec la famille, tu comprends? Je n'osais pas te parler d'eux avant d'avouer tout. Je te cachais là-bas, alors ici j'étais gêné, emprunté, et comme je suis très bête, je préférais ne pas parler d'eux. Je me rattrape. Tu es toujours guidé par de la délicatesse, et il était trop naturel de ne pas trahir ta roulotte chez nous, puisque tu ne trahissais pas notre secret dans ta roulotte. Sophie a été admirable, et papa et tante Léo tous. La scène a commencé par un drame. Un drame? À un moment, voulait appeler la police, me faire arrêter. La police? Pourquoi? Ah, ça, c'est le style de moment, le style de la chambre de moment. C'est incroyable. À qui la faute, Michel? À moi, à toi. Je n'ai pu résister à passer la nuit chez toi, et le lendemain, tu avais la frousse. Oui, je t'ai dit 20 fois de téléphoner. Reine des gaffeuses, ne dites pas cela devant Sophie. Je te conseille de parler, tu gaffes comme tu respires. Exact. Et c'est encore ce que j'aime, mon stupide. Tu n'es pas menteur. C'est trop compliqué. Je hais le mensonge. Le moindre mensonge me rend malade. J'admets qu'on se taise ou qu'on s'arrange pour faire le moins de peine possible. Mais le mensonge de luxe, je ne me place pas au point de vue de la morale, je suis très amoral. J'ai l'intuition que le mensonge fausse des mécanismes qui nous dépassent, qu'il dérange des ondes, qu'il détraque tout. Ils s'attendent à trouver de l'ordre ou du désordre. Bah, ils s'attendent au pire, ils croient venir chez une vieille femme à cheveux jaunes. Je suis une vieille femme à cheveux jaunes. J'ai 3 ans de plus que toi. Figure-toi que j'ai un pressentiment. Cette vieille femme va les étonner. Touche du bois. Madeleine, tu ensorcellerais n'importe qui. Il n'y a qu'un seul point qui m'inquiète, hein, qui me travaille. Lequel? Bah, j'ai voulu la chose faite, la place libre, la situation liquidée. Le rendez-vous est remis à ce soir. Quelle malchance. Demain, tout sera en ordre. On dirait que tu es contente de voir ce rendez-vous reculer. Oui, quand Georges m'a téléphoné, je n'ai pas insisté, j'ai été lâche. Papa aussi s'appelle Georges. Tu devines ce que peut être pour moi le rendez-vous avec le premier Georges. Eh bien, il ne m'effraie presque pas à côté du rendez-vous avec le second. Tu ne l'aimes pas? Si, Michel. Tu l'aimes? Bah, le cœur n'est pas si simple, Michel. Je n'aime que toi, mais j'aime Georges. Ça, par exemple. Bah, si je n'aimais pas Michel, je ne serais pas digne de t'aimer. D'abord, je ne t'aurais pas connu, je serais morte. Il m'a rencontré au bord du suicide. Que tu aies de la reconnaissance? Non, Michel. C'est plus que de la reconnaissance. Je ne comprends plus. Il faut comprendre, mon chéri. Beaucoup d'hommes m'ont proposé ce que Georges m'a offert. J'ai refusé. Si j'ai accepté son offre, c'est que je l'aimais. Mais tu ne me connaissais pas, cher petit égoïste. Je ne l'aimais pas assez pour ne pas attendre l'amour. Et avec toi, j'ai rencontré l'amour. Je l'aimais assez pour le lui cacher, pour traîner, pour accepter qu'il m'aide. Je l'aime assez pour être malade, d'avoir à lui tirer ce coup de revolver à bout portant. C'est incroyable! Écoute, Michel, sois juste. Tâche de te mettre à sa place. Je suis tout pour lui. Il est veuf, il a perdu sa fille, je lui ressemble. C'est son arrêt de mort que tu me demandes. Il me croit incapable de mentir. Mais garde-le, pousse. Je préviendrai la famille, rien de plus facile, ne sois pas absurde. Est-ce que je te refuse cette démarche? Je la fais parce que quand on aime comme je t'aime, on passe par-dessus tout. On assassine, on égorge, c'est décidé, on n'en parle plus. Si je t'en parle, je ne te parlais pas de lui, il t'ignore. C'était 1000 fois mieux. Regarde, maman, si c'était nécessaire, je n'hésiterais pas, tu hésiterais, Michel, et tu aurais raison. Et c'est pourquoi je t'adore. Et puis, ce n'est pas pareil, ta mère à ton père, ta tante, elle n'a que moi. Alors elle me hait. On ne peut pas te haïr, mon amour. Maman t'aimera quand elle comprendra que tu es moi-même, que nous ne formons qu'une seule personne. Tu aurais dû lui parler de l'autre. Sophie m'a tellement répété qu'elle était un camarade, que je n'avais rien à lui cacher. Bah, tu lui as caché notre amour. C'est parce que cet autre me gênait, me mettait mal à l'aise et que je savais qu'il traîne à la maison une foule de préjugés, de phrases conventionnelles, de scènes de famille. Je voulais te montrer libre, courageuse, sans rien de louche entre nous. J'ai débuté notre histoire d'une traite. Madeleine, tu as bien fait. C'est moi qui suis stupide du moment qu'on parle. Il faut tout dire. Ah, c'est ce qui te donnera du courage demain. N'en parlons plus. Je te le demande, puisque Georges y a... Admets que j'avais pour Georges la tendresse que j'aurais pour ton père, que j'aurais pour ton père. Mais, chut, tu m'en veux? Ah, je t'en voudrais de ne pas être jaloux, je t'en voudrais d'être jaloux, Je t'en voudrais de ne pas t'être mis en colère. Je t'en voudrais de ne pas t'en vouloir de t'être mis en colère. Et ils sont d'une montée inimaginable, cette visite le prouve. Hein, cette visite m'effraie. Elle est trop simple, trop belle. Tu m'as dit que ta mère ne voulait pas en entendre parler. Une minute après, elle se décide. Ce changement m'effraie. Il se fâche, il crie, il claque les portes. Mais tante Léo les calme et il l'écoute. Sophie est comme ça. Tout est en coup de tête. Elle dit, oh mon bonhomme, jamais. Elle s'enferme, je boude, elle arrive, elle m'embrasse. Et elle dit, oui, Mick, je l'embrasse et on n'en parle plus. Hein? Je n'arrive pas à me raisonner. Je te le répète, tante Léo, c'est l'ange gardien de la roulotte. Elle est très belle, très élégante, très droite. Elle critique notre désordre, mais au fond, elle ne pourrait pas se passer de lui. On sonne. Madeleine, hey, on sonne, les voilà, je me sauve, je grimpe là-haut. Michel, ne me laisse pas seul. Madeleine, tu viendras me chercher. Madeleine, si, si, si. Elle monte le petit escalier pendant que Michel quitte la scène pour aller ouvrir. On entend que Michel ouvre et dit « C'est toi, tante Léo, tu es seule ?» Et Léo pénètre sur scène, porte au poing avec Michel. « Il n'y a rien de changé, ils viennent. »« Eh, ils viennent. Rassure-toi, je me suis arrangé pour être très en avance. Tu es bonne. »« Quel ordre ?»« Ah, c'est moi, tu me reconnais, c'est mon ordre. »« J'en doute. Où est ton ami ?»« Dans son atelier de reliure, là-haut. » Il montre l'escalier, Léo. Vous donnez sur des jardins, voilà ce qu'il faudra à ta mère, qui vit dans sa chambre au lieu d'un immeuble et l'éclairage sinistre des gens d'en face. Ne dis pas de mal de la roulotte. Une roulotte se traîne n'importe où. Moi, je donne sur une cour et j'aime ma cour. Appelle ton ami. Madeleine ! Ah, inutile, de là-haut, on n'entend rien. C'est une chance. Pourquoi ? Ton père est indulgent, lucide, calme, il doit parler seul avec ton ami. Il est inutile que ta mère écoute et intervienne. Quand nous descendrons, tout sera fait. Ange ! Il embrasse sa tante. Je te ramène. Il monte 4 à 4, seul, Léo s'approche de la salle de bain, ouvre la porte et la referme. Elle remonte au fond et regarde les titres des livres. Madeleine, poussée par Michel, apparaît en haut de l'escalier. Elle descend lentement, Michel la tenant par les épaules. « Bonjour, mademoiselle. » Michel, « je te dis qu'elle est seule. Tu ne vas pas avoir peur de tante Léo, c'est l'avant-garde. »« Madame. » Léo lui tend la main, Madeleine la serre. « Et vous êtes très jolie, mademoiselle. »« Oh, madame, Michel avait raison. »« Michel, je lui ai raconté que tu étais bossue, boiteuse et que tu louchais. »« Il ne parle que de votre beauté, de votre élégance. »« Tu vois, Madeleine, tante Léo est une merveille. »« Ah, voilà votre complice. » Montrant l'escalier. « Votre atelier de reliure arrange tout. »« Je craignais que vous n'ayez qu'une seule pièce. » »« C'est une ancienne mansarde. »« Deux mansardes, je suppose, transformées et réunies à cette pièce par un escalier de bateau. »« Et de vos mansardes, on n'entend rien de ce qui se passe en bas. » Tu n'as pas entendu que je t'appelais? Non, là, c'est d'une importance énorme. Ils n'arriveront pas avant un quart d'heure. Il faut essayer. Tu connais ta mère. Et tante Léo prévoit tout. Madeleine, c'est facile de se rendre compte. Léo et Madeleine, nous montrons ensemble. Michel se promènera, écrira ce qu'il veut. Je l'autorise même à claquer les portes. Mon rêve. Léo, conduisez-moi. Madeleine monte, suivie de Léo. Avant de disparaître, Léo se retourne et part-dessus la rampe. Et crie à tue-tête et marche fort. Comme ton ami et ton père ont des timbres de voix très doux, nous ne courons plus aucun risque. Elle disparaît. Michel seul. Michel. Il prend n'importe quel livre, l'ouvre et lit à tue-tête en courant de droite à gauche. Caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme. Vous n'aurez point pour moi de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets. Il s'arrête. Vous m'entendez? Léo apparaît en haut des marches. Vous m'entendiez? Léo, non? Est-ce que tu parlais fort? Comme à la comédie française, qu'est-ce que tu criais? Britannicus, écoute, Léo, c'est le contraire d'une chose à crier. S'il te fallait un livre, tu n'avais qu'à prendre Lorenzaccio. Elle ne connaît pas. Léo, elle prend un livre et le parcours monte. J'essaierai, moi. Je serai tranquille que si je suis certaine qu'Yvonne ne se mêlera pas des explications de Georges et de ton ami, tu y es. Silence. La lecture de Lorenzaccio doit être d'une grande violence. À l'assassin, on me tue, on me coupe la gorge. Meurs, meurs, infâme. Je te saignerai, pourceau. Je te saignerai au cœur, il était ventré. Crie donc, frappe donc, tue donc, ouvre-lui les entrailles. Michel, sur la pointe des pieds, descend quelques marches et passe la tête par-dessus la rampe. Coupons-le par morceaux et mangeons, mangeons. Elle s'arrête. Michel, bravo. Léo, Michel, tu n'étais pas dans l'atelier. Michel, si, je n'entendais rien, je voulais t'entendre crier. Léo, tu en as l'habitude, Michel. Ah, je t'entends crier ici, c'est pas pareil. Mais tante Léo, tu ferais une actrice admirable. Tu aurais pu être actrice. Lui et Madeleine descendent. Madeleine, vous étiez superbe et moi, je ne vous voyais pas. Léo, ta mère aussi est une assez bonne comédienne quand elle veut. Entre nous, je crois que notre grand-mère était chanteuse et que quand grand-père l'a épousée, il lui a demandé de quitter le théâtre. Mais ce sont des choses dont on ne parle pas en famille ou bien si quelqu'un en parle, tout le monde fourre le nez dans son assiette. On sonne. Cette fois, ce sont eux. Léo et Madeleine, montez vite, il ne faut à aucun prix que je vous ai vu avant que ma sœur vous voie. Je ne vous connais pas, je viens d'arriver, pendant que Madeleine monte les marches. Et c'est toi, Michel, qui a refusé de me montrer ton ami. Va, ta mère d'abord. On sonne une deuxième fois. On entend d'abord dans le vestibule la voix de Georges. « Je croyais m'être trompé d'étage, » voix d'Yvonne. « Il n'y a pas de domestique, » voix de Michel. « Pas plus qu'à la maison. » Il entre, elle est pressée d'entendre. « Léo, t'avais entendu la sonnette ?» Ils entrent. Yvonne. « Léo est là ?»« Léo, j'arrive, j'ai sonné 3 fois, j'aurais pu vous rencontrer devant la porte. » « Et il y a longtemps que tu es arrivé ?»« Te répète que j'arrive. »« Michel, oui, tante Léo croyait être en retard et vous trouvez ici. »« Vous êtes seul ?»« Ben, Madeleine est en haut dans un petit atelier de relure. »« Michel n'aurait jamais voulu me la montrer avant de te la montrer à toi, de vous la montrer à vous. »« Ah, là-haut, on n'entend pas sonner, on n'entend rien. »« Il y a une demi-heure qu'elle se cache. »« Elle se cache ?»« Enfin, elle a peur de la famille. »« Nous ne sommes pas des ogres. » Tu es toute pâle, Sophie. Il est bien naturel que Madeleine, elle traque. Léo, je la comprends. Yvonne. Quel luxe, Michel. C'est propre. Léo, la propreté, c'est le luxe. Je disais à Michel, Yvonne, ce n'est pas précisément ton genre. Ouais, patience, je viens très peu. Si j'habitais chez Madeleine, ou si j'y venais davantage, je gagnerais la partie. Léo, j'en doute. Georges. Michel, tu dois prévenir de notre arrivée. Michel. Oui, oui, oh. Oh, « Oh, papa, que tu es guindé, Sophie, assieds-toi, asseyez-vous, prenez l'air naturel. Tante Léo, installez, fais la maîtresse de maison. La pauvre Madeleine en est incapable. Si vous ne l'aidez pas, elle restera comme une borne et vous la croirez poseuse. Georges, je me demande, mon petit, si tu mesures la gravité de cette visite. On ne le dirait pas. Léo, essaye de rompre la glace. Michel, j'en pleurerai. Yvonne, allons, allons. Georges est ému, Léo, très ému. » C'est à ces minutes-là qu'on devient père, mère, fils. On ne traite plus ces choses par-dessous la jambe, Léo. En tout cas, il vaut mieux ne pas redevenir des pères et des mères conventionnels sous prétexte que les événements cessent de l'être. Je trouve Michel très courageux et très gentil. Va chercher la petite, Yvonne entre ses dents. Si petite il y a, Michel au pied de l'escalier. Ma vie est en jeu. Une dernière fois, je vous demande d'aider Madeleine, de ne pas la recevoir avec une douche froide. Nous ne sommes pas venus dans cette intention, ma Sophie, papa, Léo. Il ne faut pas m'en vouloir, j'ai les nerfs en plotte. Léo, qui songe à t'en vouloir. Nous sommes tous plus intimidés les uns que les autres. Et nous prenons des attitudes. Elles ne tarderont pas à fondre. Allez, hop, Michel, j'y vais. Il monte. Yvonne à Georges. Tu as l'air plus malade que moi, Georges. Asseyez-vous, mes enfants. Moi, je reste debout derrière Yvonne. Groupe. Michel, de dos. Il descend. Souriez. Il démasque Madeleine. Elle commence à descendre sans rien voir. Madeleine en bas l'escalier. Madame, Yvonne se lève et s'avance vers elle. Georges reste seul à l'extrême droite derrière Léo. Michel, c'est maman. Petit silence. Yvonne, vous êtes ravissante, mademoiselle. On vous prendrait pour une petite fille. Mais quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. C'est vous, madame, qui... Elle vient d'apercevoir Georges. Sa voix s'étrangle, elle se précipite de son côté. Excusez-moi, qui vous a fait entrer? Elle se retourne vers les femmes. Regarde, ce monsieur... Michel, c'est papa ce monsieur, papa, je te présente Madeleine. Madeleine, elle recule, ton père. Michel, là, encore une. Personne ne veut jamais croire que papa est d'âge à être papa. Si nous sortions ensemble, on nous prendrait pour deux copains. Léo, présente-moi. Michel, je ne sais plus ce que je fais, Madeleine. Il lui prend la main, mais que tu as froid. Tâte sa main, Léo. Léo prend la main de Madeleine, Léo. Elle a les mains glacées, hein, Madeleine. Sommes-nous donc si terribles? Michel, serre la main de Léo. Madeleine, madame. Léo, une vieille demoiselle qui cessera vite de vous intimider. Michel, la famille au grand complet. Tu vois que c'était pas la mère à boire. Madeleine tombe sur le divan. Mais tu te trouves mal, Madeleine? Non, Michel, non. Yvonne, restez assise surtout. Madeleine essaie de se relever. Léo, empêche-la. Michel veut nous montrer comme on a bien arrangé les mansardes. Michel, mais Yvonne, nous te suivons, Léo et moi. Genre, je pourrais. Yvonne, reste. Michel, il y a un thermos plein de thé bouillant et 3 tasses, et du sucre, et du lait concentré. Nous savons recevoir. Yvonne traverse et met le pied sur la première marche. Léo la suit. Michel embrasse Madeleine et s'apprête à les rejoindre. Madeleine, tu me laisses seule? Michel, bah pas seule, avec papa. Madeleine, c'est impossible. Ne me laisse pas seule, écoute Michel. Yvonne, Michel! Madeleine, madame, mesdames, je vais monter avec vous, je dois servir le thé. Yvonne, nous nous débrouillerons. Michel nous aidera. Je suis curieuse de voir s'il restera 3 tasses tout à l'heure. Michel, il y en avait 6. J'en ai cassé que 3. Georges, d'où il est? Restez, mademoiselle. J'ai promis à Michel de vous parler et à ma femme, comme elle est beaucoup plus nerveuse que moi, de vous parler tête à tête. Bien que Michel me trouve l'air jeune, je suis un vieux monsieur par rapport à vous. N'ayez aucune crainte. Yvonne, du haut des marches où les deux autres s'engagent. « Dépêchez-vous et faites-nous signe. »« Madeleine, madame, un instant, votre sœur pourrait peut-être rester avec nous, une femme. »« Ma chère enfant, Laissez-nous prendre le thé. Je trouve ridicule que les femmes s'occupent de certaines choses. D'autre part, vous avez entendu ce que Michel vous a dit de son père. C'est un camarade de Michel qui vous parlera, un camarade très bon et très accommodant. Beaucoup plus que moi, Michel. Ils ne te veulent aucun mal, Madeleine. Au contraire, veux-tu que je te descende une tasse de thé? Léo, elle prendra son thé après. Elle pousse Yvonne et toutes deux disparaissent suivies de Michel. Michel, fais la conquête de papa! Ne vous sauvez pas ensemble! Il envoie un baiser sur deux doigts et claque la porte invisible.